Sky a toujours rêvé d'avoir sa propre maison et sa propre famille. Mais en attendant, elle doit vivre dans un orphelinat. La vie n'est pas juste. Certaines personnes ont la chance de vivre une vie riche et confortable, et d'autres n'ont rien. Sky a de la chance que cette fois-ci, ce ne soit pas une brique qui lui soit tombée sur la tête. Après les trois précédentes, elle a assez donné. La famille riche est descendue pour récupérer son lingot d'or. Peut-être que ce petit diamant nommé Sky sera lui aussi utile. Tout est sur le point de changer pour toujours. Ils vivent dans une belle maison pleine d'œuvres d'art, d'or et de bijoux. Si Sky n'aime pas ça, elle peut toujours les voler et fuir le pays. Mais ça vaut la peine de donner une chance à Emma et Jackson. Ils ont même un majordome nommé Terry. Tu ne dois l'appeler que lorsque c'est nécessaire. Sky aime bien entendre ça. Apparemment, elle est la seule. Pour être sûre que la petite ne se perde pas, son nouveau papa lui a donné un plan de la maison. C'est énorme! Je parle de la carte, hein, pas de Sky. Se rendre dans sa chambre, c'est comme une véritable chasse au trésor. Bizarre, une si grande maison et pas d'ascenseur? La pauvre Terry doit traîner son énorme valise. Je ne sais pas comment cette petite fille a fait pour arriver jusqu'ici. Apparemment, elle est beaucoup plus forte qu'elle n'en a l'air. Je suis sûre qu'elle est pleine des briques qui continuent de tomber sur la tête de Sky. Voyons voir, et voilà, j'ai deviné. Mais la seule chose qu'elle utilisera vraiment, c'est son sac à main. Voici sa nouvelle chambre. Sky est ravie, c'est encore mieux que dans ses rêves. C'est déjà le meilleur jour de la vie de Sky. Elle a l'habitude de dormir sur une boîte en carton dans la ruelle derrière la benne à ordures. Mais maintenant, elle a un père riche. Elle va devoir s'habituer au lit et au fait que Jackson peut facilement réaliser tous ses rêves. Il est incroyable. Sky aime vraiment la magie de l'argent. Elle transforme les pièces en objets. Elle a déjà vu des pièces de monnaie tomber, mais jamais comme ça. Incroyable. Ce ne sont pas des animaux en ballon, c'est de la vraie magie. Mais Sky préfère quand même dormir sur le sol. C'est bon pour ton dos. C'est dur d'être parent. Sky a une famille, une maison et une chambre à elle. Que pourrait-elle vouloir de plus? Eh bien, bien sûr, de l'argent de poche. C'est la meilleure mesure de l'amour d'un parent. Jackson n'est pas du tout avare. Sky veut savoir s'il y a une limite à sa générosité. Les parents sont intéressés par ce que fait leur nouvelle fille. Oh, Sky a un projet de construction en cours. C'est trop mignon. La petite fille essaie de construire quelque chose toute seule. Mais c'est très bruyant et ce n'est plus vraiment mignon. Nous aurions peut-être dû prendre un chien au lieu d'un bébé. Mais un chien peut-il fabriquer une table de maquillage comme celle-ci? Peut-être. Maintenant, la pièce sans la peinture. Papa peut aussi faire certaines choses. En un claquement de doigts, la vanité se remplit des produits de maquillage les plus chers. Sky a beaucoup à apprendre sur la magie de l'argent. Oui, aère cet endroit. Papa a décidé de faire visiter la maison à sa fille. Eh oui, nous avons notre propre parc aquatique. C'est incroyable. Tu ne peux pas y aller sans bonnet et serviette. Il y a tellement de fauteurs de troubles dans la piscine. Passons à autre chose. Voici la pièce préférée de maman. C'est le spa, où elle se détend et recharge son énergie. Papa n'a pas le droit d'y entrer. Mais Sky peut y aller quand elle veut. Elle adore ça. Et elle vient de remarquer une pièce très étrange. Ils y font du clonage. Papa en a besoin. Sky n'a absolument pas le droit d'y aller. Ce n'est pas un jeu d'enfant, mais peut-on vraiment l'en empêcher? Le clonage ne fonctionne pas. Mais alors c'est quoi ça? Les clones n'ont pas le droit de quitter la pièce sans permission. Il y a une ville secrète spéciale à proximité juste pour eux. C'est le premier matin de Sky dans sa nouvelle maison. Ouh, c'est quoi ce bouton? Waouh, Sky adore ça! Je me demande ce que ses mains peuvent faire d'autre. Oh ouais! C'est un service sympa! Tu seras de bonne humeur demain matin! Maintenant, nous connaissons le secret du maquillage parfait de maman. Elle a remarqué que quelqu'un a coupé la nappe. Il y a une mythe dans la maison? Le bandana de Sky est un peu suspect. C'est la même couleur que la nappe. Il provient en fait d'une vente aux enchères et le coût est un nombre auquel Sky ne sait pas compter. Emma a décidé d'introduire sa fille dans le placard pour que rien d'autre ne soit en danger. Il y a tout ce que le monde peut désirer. Mais avant de toucher les articles de créateurs, tu ferais mieux de te laver les mains. Sky doit travailler sur les bonnes manières. Quand elle vivait dans la rue, personne ne l'obligeait à se laver les mains. Elle fait peur à sa nouvelle maman. Ouh, quelque chose a attiré son attention. Mais le prix l'a fait fuir. C'est reparti, même histoire. Sky oublie toujours qu'elle n'a plus à se soucier de l'argent maintenant. L'important, c'est que la robe lui aille à elle. Waouh, elle est superbe sur elle. Bien mieux que les vêtements d'homme amples qu'elle a reçus de l'oncle Bill. Mais elle n'est pas encore prête à dire adieu au chapeau. Quel beau petit déjeuner. Est-ce qu'aujourd'hui est une sorte de fête? Chaque jour est un jour férié pour Sky maintenant. Maman doit initier sa fille au couvert. Lorsque Sky a mangé sa soupe avec ses mains, Emma a failli vomir. Mais qu'est-ce qui est mieux que de manger du gâteau avec les mains? Tu peux te lécher les doigts après. C'est comme une portion bonus. Maman est choquée par le comportement de sa fille. Maman n'est pas sûre que Sky ait mangé avec ses mains ou avec des ustensiles. Peux-tu commenter ci-dessous et lui dire « Merci d'avance !» Sky joue à des jeux sur son téléphone toute la journée. Et maman est contrariée parce qu'elle n'arrive pas à communiquer avec sa fille. Eh bien, son iPhone est en papier. Il ne capte pas très bien le signal. Ce problème est facile à résoudre. Les enfants de millionnaires ne devraient pas se promener avec un iPhone en carton. Emma en a un tas. Tu peux choisir la couleur que tu veux. Il fonctionne vraiment bien. Mais voilà le problème. Le vrai iPhone est très fragile et il s'est déjà cassé. Ce qui n'arriverait jamais à un iPhone en carton. Sky nettoie sa chambre. Son sweat à capuche aurait dû être lavé il y a longtemps. Cette odeur l'a protégée autrefois des insectes et des rats. Papa n'aime pas voir sa fille faire la lessive. Et en fait, ce n'est pas du tout une machine à laver. Cette machine fait des smoothies incroyables. Tout ce que tu dois faire, c'est ajouter les ingrédients. C'est quelque chose que Sky n'a jamais vu auparavant et elle a déjà vu un raton laveur vendre des glaces. Les milkshakes sont prêts. Elle a peur de le boire. Papa aime bien, sauf pour la chaussette dans le verre. Maintenant, il sait pourquoi la boisson a un goût de pied. Maman essaie d'améliorer sa relation avec sa fille, alors elle a préparé un cadeau spécial pour elle. Mais le problème, c'est que Sky a eu un F à son test de collège. Le cadeau est donc annulé jusqu'à ce qu'elle corrige sa note. Mais punir les enfants se retourne toujours contre elle. Comment peut-elle s'empêcher de jeter un coup d'œil? C'est une serrure sécurisée qui ne peut être ouverte qu'avec des likes. Aime cette vidéo pour que Sky puisse jeter un coup d'œil à l'intérieur. Maintenant, elle est une adolescente normale et doit faire des devoirs ennuyeux au lieu d'attraper des pigeons pour les manger. Oh, maman est là. Elle a dû apporter quelque chose d'amusant. Waouh, c'est un stylo en or. Ça lui permettra d'obtenir les meilleures notes du semestre. Ce n'est pas n'importe quel stylo, il est magique. Il contrôle la main de celui qui écrit. C'est l'heure de faire des devoirs. Waouh, maintenant elle peut écrire sans faire de faute. Sky lâche le stylo et continue à faire son devoir. C'est incroyable. Génial. Sky veut impressionner sa mère avec une bonne note. Mais cette note, elle ne la doit qu'au stylo magique. Maman a décidé de donner le cadeau à sa fille quand même. Elle a promis, n'est-ce pas? Sky le mérite bien. Regardez le stylo résoudre ses devoirs lui a pris une éternité. Allez, dépêche-toi de l'ouvrir et de voir ce qu'il y a dedans. Oh, c'est le majordome, Terry. Il s'est fait implanter une puce pour pouvoir être contrôlé. Terry fera tout ce que Sky veut. Que veut-il faire d'autre? Ah, mais oui! Un massage relaxant! Terry, t'as des mains de fée! Oh, comment on l'arrête maintenant? La télécommande ne fonctionne plus! Terry, arrête! Sky a déjà pris le coup de main et elle s'habitue à manger avec des ustensiles. Maman a préparé son burger préféré pour le dîner. Ouais, eh bien, manger avec les mains était beaucoup plus confortable. Elle a même appris à sa mère à le faire. Maintenant, elle est meilleure à cela que Sky. Défi accepté. Allons-y. Oh, on dirait que la fille n'est pas dans la course. Elle s'est cassée une dent. Il y a une pièce dans le hamburger. Papa essaie aussi de créer des liens avec sa fille en jouant à cache-cache avec elle. Il a l'habitude de se cacher derrière sa richesse. Mais tu ne peux pas tromper Sky avec ça. Elle taquine Jackson et fait semblant de céder. Il aime gagner. C'est important pour lui. Maintenant, voyons s'il peut retrouver sa fille. Elle est toujours recherchée au niveau international pour fraude financière. Le FBI ne l'a pas trouvée, alors il n'y a aucune chance que papa le fasse. Un parc d'attractions? Un endroit parfait pour se cacher. Sauf qu'il fait froid. J'aurais dû m'habiller plus chaudement. On doit se cacher tout de suite. Mais voilà le problème. La porte ne s'ouvre que de l'extérieur. Papa se rapproche. Ce serait stupide de se faire prendre comme ça. Mais elle ne veut pas non plus se geler. Rester en vie est plus important que de gagner. Jackson a trouvé sa fille. Il est arrivé juste à temps. Elle était sur le point de se transformer en statue. Maman fait découvrir le grand art à sa fille. Comme elle a grandi dans la rue, elle en sait plus sur les graffitis. Elle a décidé de démontrer ses compétences artistiques et de peindre un portrait de ses parents. Elle a une approche inhabituelle, mais le résultat est impressionnant. Waouh, ce portrait montre vraiment à quel point cette famille est gracieuse et riche. Il manque un petit détail. Bien sûr, leur fille adoptive. Nous devons juste trouver un bon endroit pour ce portrait. Mais tu n'as pas besoin d'en recouvrir un chef-d'œuvre. Oh my God. Sky demande à sa mère de l'aider à se maquiller. Elle ne sait se maquiller qu'avec la boue des flaques d'eau. Emma est très occupée par son travail, alors elle a essayé de maquiller sa fille aussi vite que possible. Mais elle en a manqué un peu. Maman est occupée, bien sûr. Et papa ? Il veut peut-être jouer au tir à la corde. Ça n'a pas l'air de le déranger. On dirait que Sky a gagné. Mais elle est un peu contrariée. Ses parents n'ont donc pas du tout de temps pour elle. Elle se sent à nouveau seule. Maman a de mauvaises nouvelles. Elle n'arrive pas à trouver Sky. Mais elle a trouvé une lettre dans sa chambre. Jackson et Emma n'ont pas pu gérer la parentalité. Mais n'abandonne pas. Il est encore possible de s'améliorer. Sky est à nouveau seule. Ses parents s'excusent pour tout et veulent qu'elle retourne dans le luxueux manoir. Bien sûr, ça ne la dérangerait pas. Tant que ses parents se débarrassent de leur téléphone professionnel. Au fait, Jackson a une surprise pour Emma. C'est la broche magique de la reine. Qu'elle désire depuis toujours. Grâce à la magie, ses larmes ont enfin un sens. Les pierres précieuses lui remontent le moral et elle n'a plus envie de pleurer. Et elles sont aussi une super décoration pour son lit. Hélène a espionné ses sœurs pendant tout ce temps. Elle veut aussi décorer son lit. Mais elle ne peut pas voler le pistolet à colle d'Emma à cause du système de sécurité moderne. C'est comme ça que ça marche. Elle prend toujours tout sans demander. Ça lui servira de leçon. Rien de spécial, juste une télécommande avec un bouton d'arrêt d'urgence. Hélène a paniqué et a engagé un domestique. Maintenant, elle peut se le permettre. Il fera tout le travail pour elle. La récompense en vaut la peine. Ses yeux brillent comme des diamants bleus. Le serviteur a fait un bricolage pour elle. Et ses yeux ont commencé à briller aussi. Les sœurs ont pensé qu'il allait demander Hélène en mariage. Le pauvre garçon a été effrayé par une telle pression. Il doit d'abord en parler à sa mère. Les filles ont lancé un concours. Elles doivent lancer la balle et obtenir le plus de points possible. Hélène en a presque obtenu 10. Caroline a touché la cible du premier coup. Nous avons un candidat pour gagner. Maintenant, tout dépend d'Emma. Elle a fait tomber le ballon de la sœur hors du jeu. À ton avis, qui est le gagnant? Écris dans les commentaires. Caroline ne peut pas s'empêcher de regarder son diamant magique. Hélène déteste la bonne humeur de sa sœur. Elle ferait mieux de regarder sous ses pieds. Un sourire est apparu sur le visage diabolique d'Hélène. Et Caroline a fait un joli backflip dans les airs. Mais son rubis n'est pas comme elle. Il s'est brisé en 1000 morceaux. C'est encore mieux. Le monde n'a jamais vu une guirlande aussi chère. Même Hélène est choquée par le bonheur de Caroline. Ce n'est clairement pas ce qu'elle voulait. Hélène va être très jalouse. Emma s'efforce d'apprendre la magie. Maintenant, elle ressemble à un spectacle d'anniversaire pour enfants. mais elle développe rapidement ses compétences. Si tu veux qu'elle fasse un spectacle à ta fête, écris-le dans les commentaires. Regarde la super guirlande qu'elle a faite à partir d'un foulard ordinaire. Maintenant, son lit émeraude brille encore plus. Les sœurs sont impressionnées et la fête brille de diamants. Ses boucles d'oreilles coûteuses se transforment en une jolie fleur. Cool. Peut-être que la magie peut faire quelque chose avec le tulle d'Hélène. Elle a essayé, mais ça n'a pas marché. Mais Emma a transformé ce chiffon en un joli tulle émeraude. Il s'est parfaitement adapté au lit émeraude. Hélène est en train de paniquer. On doit la calmer avec les bijoux magiques. Léo, on dirait qu'elle va bien maintenant. Hélène a décidé de mesurer ses diamants en carats et en dollars. Il fait plutôt sombre dans la chambre. Elle a laissé entrer les joyeux rayons du soleil pour jouer avec ses pierres. C'est drôle, il n'aime pas non plus ses sœurs. Ça signifie qu'elle les aime. Maintenant, elle a le lustre parfait pour son lit. Les sœurs l'adorent aussi. Caroline a aimé la vidéo Troom Trick et regarde ce qui s'est passé. Les sœurs ont essayé de faire la même chose et leurs vies ont été changées à jamais. L'ambiance diamant est garantie. Tu devrais l'essayer aussi. Aime cette vidéo et commente ci-dessous ce qui a changé pour toi. Hélène vient-elle de recevoir un message? Le gars le plus mignon de l'université lui a envoyé un texto. Félicitations. Une promenade avec des hot dogs? Qu'y a-t-il de plus romantique? Beaucoup de choses, mais c'est le premier rendez-vous de sa vie. Elle doit cacher la vraie Hélène autant que possible. Mais le problème est qu'Hélène a quelque chose de coincé entre les dents. Le gars a essayé de lui montrer gentiment, mais... Quel dommage, ça va la torturer jusqu'au mariage, mais pas avec ce type. Elle a choisi un diamant avec un cure-dent. Le beau gosse a aimé cette astuce. Il s'avère que c'est le fils du bijoutier. Et Emma a un petit ami, mais personne ne l'a jamais vu. Les sœurs soupçonnent qu'elle s'envoie des fleurs et des cadeaux à elle-même. Si elle avait un petit ami, elle n'aurait pas le temps de bricoler. Mais ils sont en fait incroyables. Miroir d'émeraude pour la reine d'émeraude. Et le reflet est magnifique. Caroline est même un peu jalouse de sa sœur. Elle a aussi besoin d'un miroir. Oh, c'est pas très gentil de voler. Elle pensait vraiment qu'Emma ne le remarquerait pas. Caroline nie tout en bloc. Laisse un combat loyal décider de qui aura le miroir. Mais Emma n'a pas le temps de se battre dans son emploi du temps. Elle pourrait ruiner son maquillage de cette façon. Même le miroir émeraude ne peut pas montrer sa perfection correctement. Caroline fait du repassage aujourd'hui. Son mode de repassage préféré est celui en diamant. C'est agréable de se sentir riche même en faisant ses tâches ménagères. Ce mode de repassage transforme les vêtements ordinaires en vêtements précieux. Oh, désolée ma sœur, mais ça te va vraiment bien. Caroline essaie de trouver ce qui manque dans sa chambre. Et bien sûr, une table. Et un cocktail pour une dame riche. C'est mignon, le dessert comme un compliment. Caroline a vraiment faim. Mais soudain, elle a perdu l'appétit. C'est la faute des cheveux noirs dégoûtants. Les filles s'ennuient, elles ne savent pas quoi faire. Elles ont déjà trollé tout le monde dans les commentaires TikTok. Emma s'est imaginée 10 fois devenir une reine de promo. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Emma a inventé le jeu. Les coupes du bal et ses fantasmes lui ont donné une idée. Les sœurs adorent les concours. Après tout, il y a toujours une gagnante et une perdante dans ces concours. Les règles sont simples, tu dois trouver ta pierre. Hélène devine la première et perd. C'est au tour de Caroline. Tu ne peux rien lui cacher. Mais Emma déplace les gobelets si vite. Tu t'es peut-être souvenu de l'endroit où se trouve la pierre? Donne-leur l'indice dans les commentaires. Le paquet de maquillage d'Hélène est arrivé, mais elle n'a pas de place pour le mettre. C'est une fille très créative. Par exemple, elle adore peindre. Tu pourrais voir ses œuvres sur le réfrigérateur de ses parents s'ils t'invitent. Regarde son étagère. Maintenant, chaque objet de beauté aura sa propre place. L'étagère prend peut-être beaucoup de place et dérangera les sœurs, mais Hélène ne s'en soucie pas maintenant. Emma adore les plantes vivantes. Elle aime surtout celles qui ont des émeraudes à la place des fruits. Caroline a vu le tour de sa sœur et veut le répéter. Peut-être que la magie fera pousser quelque chose pour elle aussi. Mais on dirait que la magie est cassée. Bien sûr, elle a oublié d'arroser sa plante. Hélène a bu toute l'eau en mangeant un burrito épicé. Elle te la rendra. Tu dois juste lui montrer quelque chose de très touchant et ses larmes ne s'arrêteront pas. Elle a même pleuré un peu plus. Mais maintenant, Caroline aura une fleur en diamant. C'est difficile d'imaginer quelque chose de mieux pour les filles. Emma est obsédée par Brawl Stars. Elle était très fort, mais il n'y a pas encore de résultat. Les cristaux du jeu l'ont inspirée pour faire un nouvel artisanat. Et elle a besoin d'une étagère. Emma a un peu faim. Un croissant de la photo d'un café parisien arrive à point nommé. Mais le serveur impoli veut qu'elle paye toute l'addition. Et c'est sans pourboire. C'est tellement impoli de lui demander de l'argent. Hélène a un crush pour un célèbre rappeur depuis 3 ans. Mais ses stupides sœurs se moquent de ses sentiments. C'est tellement cruel. Comme si elle n'avait pas eu de premier amour. Au fait, Emma était folle de Ronald McDonald. Il n'existe même pas. Les larmes d'Hélène ont coûté cher. Vraiment. Les sœurs se sont senties coupables et ont acheté à leur sœur un billet pour un concert de Lil Uzi Vert. Pour être honnête, Hélène a pleuré toute seule. Les filles ont en fait un super relooking de leur chambre ordinaire. Chacun des lits montre le caractère et le style de sa propriétaire. Et elles n'ont pas encore terminé. Il reste littéralement quelques touches de finition. Hélène sépare les diamants de la terre comme une chercheuse de pierres précieuses. Waouh, quelle énorme émeraude se trouve dans les mains d'Emma. Ses mains semblent si petites, comme si elle était une poupée. Caroline est jalouse de ses sœurs. Elle est toujours derrière elle. La jeune fille a décidé d'essayer la méthode d'Hélène. Mais ça n'a pas marché. Elle était tellement bouleversée que sa gorge est devenue sèche. Et qu'est-ce que c'est? Waouh! La chance lui sourit à nouveau! Hélène pense que son lit est le grand favori. Mais Emma n'est pas de cet avis. Il suffit de regarder ses émeraudes. Et Caroline veut un résultat équitable. Écris dans les commentaires quel lit tu as le plus aimé. Celui que tu auras choisi gagnera. Une potion magique les a transformés en sirènes. Alors l'aventure ne fait que commencer. Emma et Hélène passent une bonne journée à pêcher au soleil. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'habileté et un peu de chance. Il y a quelque chose sur l'hameçon d'Emma. Est-ce un monstre marin? Emma ne va pas lâcher cette canne à pêche. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée dans une pièce secrète sous-marine. Et en fait, elle aime ça. La sirène se sent enfin comme une vraie princesse. Hélène ne s'inquiète pas du tout pour son amie, même si Emma vient d'être emportée au fond de la mer. Et elle a attrapé une carte de crédit illimitée. Tout d'abord, Hélène va manger quelque chose de délicieux. Elle a même un serviteur spécialement chargé de s'assurer qu'elle a toujours toute la nourriture et la boisson qu'elle désire. Ce type a travaillé pour Neptune avant ça. C'est un pro. Il s'assurera qu'Hélène est le meilleur du meilleur. Sa main a une centrifugeuse intégrée. Voici votre jus d'orange fraîchement pressé. Mais il a laissé passer une graine. Pas grave, il n'y en a qu'une. Pas vrai? Ou plus? Nika a pris sa leçon. Hélène investit dans l'immobilier tout de suite. Assurons-nous que ça soit assez beau pour qu'elle y vive. Ça a intérêt à être magnifique. Emma a récupéré la vieille lampe d'Hélène. Les gens riches jettent vraiment beaucoup d'ordures dans l'océan. Emma peut transformer cette vieille lampe en quelque chose de tout nouveau. Comme des lumières de méduse. Mais elles ne sont pas très lumineuses. Elle devra appeler un électricien. Et un coiffeur. Et un maquilleur. Mais maintenant, elle peut charger son téléphone. Le téléphone d'Hélène est toujours chargé. Ce qui lui permet de continuer de faire des achats en ligne. C'est son amie qui s'occupe de la livraison. Hélène préférerait la payer pour le faire. Mais pas trop. Sinon, Emma sera plus riche qu'elle. Emma devient trop grande pour les coquillages. Te sens-tu chanceuse, petite? Commentez ci-dessous et dites-lui dans quelle main se trouve l'argent. Emma a quand même pris les coquillages d'Hélène. Elle les collectionne. Elle en a beaucoup de magnifiques. En plus, elle peut entendre l'océan à travers eux. Oh, tellement relaxant. Les coquillages sont pratiquement comme des haut-parleurs. Emma adore dormir avec eux. Ça ne ressemble pas à l'océan. C'est en fait Hélène qui se plaint de la musique forte. Les coquillages sont trop forts. Ou peut-être qu'Hélène est trop sensible. Hélène a beaucoup de temps pour prendre soin d'elle maintenant. Elle allait bronzer aujourd'hui, mais où est le soleil? C'est pour ça qu'elle a engagé Nick. Il va devoir négocier avec le soleil. C'était une courte conversation. Le soleil a dépassé les bornes. Personne ne dit au soleil ce qu'il doit faire. Hélène n'aime pas quand les gens ne l'écoutent pas. Emma n'arrive pas à dormir. Elle a besoin de faire quelque chose. Elle a fabriqué une étagère en forme de phare. Maintenant, elle a un endroit où ranger ses affaires et elle peut aider les marins. Ils vont dans la mauvaise direction, mais peu importe. Maintenant, elle peut se reposer. De toute évidence, elle ne peut pas se permettre d'acheter de la crème solaire. Hélène a beaucoup à faire. Elle prépare un repas spécial pour son animal. Et elle y va à fond. Elle voulait un hippocampe, mais ça semblait décourageant. Alors elle a pris un plongeur sous-marin. Il n'est même pas difficile. Hélène a acheté une robe de créateur sur Amazon. Mais elle est déjà en train de tomber en morceaux. Il y a du fil détaché partout sur le fond de la mer. Emma a trouvé un joli fil bleu. Et elle n'avait aucune idée qu'il faisait partie de la robe de son amie. Pendant ce temps, la robe d'Hélène commence à disparaître. Qui fait ça? Emma a fait un planificateur avec le fil. Tout ce qu'on peut faire. Quand Emma est au téléphone avec son petit ami, elle devient très maladroite. Oups, elle a renversé son verre. Heureusement qu'elle a une encre pour faire sécher ses vêtements. Elle n'a plus qu'à attendre. Si Hélène a faim, elle utilise sa carte de crédit pour commander de la nourriture en ligne. Elle peut se permettre n'importe quoi. Mais elle pourrait aussi se permettre d'avoir de meilleures manières. Elle jette ses coquilles vides sur Emma. Emma sait ce qu'il en est. Elle adore les coquillages. Elle les a utilisés pour décorer son miroir. Maintenant, son reflet est encore plus joli. Hélène n'aime pas que ce mur soit vide. Quand on a une carte de crédit magique, on peut facilement acheter une bande LED. C'est beaucoup mieux. Emma devient jalouse de son amie. Elle aussi veut des selfies cool. Mais elle n'a jamais appris à pêcher. Voler, c'est mal, alors elle est enfermée. Pour l'instant. Hélène veut changer de coiffure. Mais elle est très difficile à satisfaire. C'est un choix difficile. Je vais aller avec ce que j'ai déjà. Mais Nick devrait essayer quelque chose de nouveau. Ne t'inquiète pas, tu seras magnifique. Ces pêcheurs impolis n'arrêtent pas de jeter des hameçons dans la maison d'Hélène. Elle leur donne des algues, mais c'est tout. Essayez de devenir végétarien. Eh, au moins, ils ont attrapé quelque chose. L'eau est cassée. Sous l'eau? Qu'est-ce qu'on est censé faire? Tout ce qu'Hélène peut faire, c'est appeler Nick pour qu'il répare. Il va avoir de gros problèmes. Il doit juste rendre Hélène heureuse. Elle devra laver ça avec de l'argent. Ça lui remonte toujours le moral. Maintenant, elle sent la richesse. Mais il y a une pièce de monnaie coincée dans son oreille. C'est si difficile d'être riche. Emma veut aussi prendre une douche fraîche. Yay! Elle a trouvé une pièce. Et elle a réparé la douche. A-t-elle peur de l'eau? Hélène peut se permettre de manger au restaurant Jellyfish. Il a une note parfaite de 5 étoiles. Apparemment, c'est le lieu de déjeuner préféré de Neptune. Hélène adore cet endroit. Emma ne peut qu'espérer que quelqu'un fasse tomber quelque chose par terre. Mais elle fera un compromis en obtenant un travail ici. C'est dur et le boss est méchant, mais au moins, elle peut prétendre être riche en... léchant les assiettes. Toutes les sirènes ne sont pas de grandes chanteuses et Hélène le prouve. Son chant fait exploser les sous-marins. La méduse en personne est venue lui dire d'arrêter. Elle a cassé tous les verres de son restaurant. Hélène ne peut pas admettre qu'elle est sourde de naissance. La méduse a dû s'enfuir pour échapper au vacarme. Ça ne dérange pas Emma. Elle a des écouteurs et Miley Cyrus. Merci pour les écouteurs. Tu devrais écouter la musique de Miley Cyrus. Emma va devoir trouver autre chose. Oh, encore un crochet dans la chambre d'Hélène. Et un dans celle d'Emma. Attention, le pêcheur n'est pas assez fort pour faire sortir les deux sirènes. Pourriez-vous commenter ci-dessous et nous dire laquelle vous laisseriez partir et laquelle vous sortiriez de l'eau? Hélène ou Emma? C'est à vous de décider.